Merci à vous, merci à Nick Hetzmann de m'avoir invité pour ce colloque qui est passionnant. Et après les plâtres extérieurs, on m'a demandé de me consacrer au décor sculpté. Alors avant de commencer, je voulais expliquer, effectivement, marli, on a dit, c'était des matériaux pauvres, du plâtre, du moellon, etc. Mais ça s'explique par la fonction de marli. Marli était une résidence de plaisance. Vous avez la hiérarchie et la convenance, on adapte la noblesse et la richesse des matériaux à l'usage de la résidence. Versailles est le siège officiel de la monarchie, vous avez des matériaux nobles, vous avez de la pierre de taille et du marbre. À Marly, c'est une résidence de plaisance qui n'est pas officielle, qui n'est pas destinée à accueillir des cérémonies officielles et des ambassadeurs, donc on ne dépense pas à Marly. D'où ces matériaux que l'on paraît, qui paraît pauvre, mais si vous allez à Versailles où vous avez énormément de ravalements en ce moment, si vous faites un peu attention, une grande partie des bâtiments construits au XVIIIe siècle sont construits sur les mêmes principes de moellons enduits avec chaînage de pierre. Donc ce qualificatif de pauvre est quand même à mettre entre guillemets. Disons que ce n'est pas des matériaux pauvres, ce sont des matériaux moins nobles. Je crois que ce serait plus raisonnable. Donc, il faut, je pense, expliquer d'abord les conditions de disparition de Marly, qui sont importantes pour comprendre la nature des trouvailles archéologiques. Vous avez là le plan de 1714, peu avant la mort de Louis XIV, et donc le terrain lui-même est Marly, et dans toute sa splendeur, avec tous les bâtiments, les agrandissements que vous avez ici, et le pavillon royal que vous avez là. Les destructions ont commencé assez tôt. En 1716, on comble les bassins de Diane et de Bacchus qui sont ici. Ensuite, les bassins des coureurs là et les deux autres d'Arethuse et de la Nymphe. En 1728, on comble la rivière qui est transformée. On garde simplement un petit bassin au niveau supérieur et le grand bassin en fer à cheval dans la partie inférieure, et le reste est un simple tapis vert. Et à la Révolution, c'est là que commence vraiment la destruction quasiment systématique de Marly. Entre 1792 et 1793, on récupère tous les métaux. Les métaux coûtaient très cher. N'oubliez pas que les matériaux coûte beaucoup plus cher que la main-d'œuvre, et cela jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc on récupère le maximum possible. Les conduites de fonte et de plomb. Le plomb sert à faire des balles. Les renforts de treillage, on vend les matériaux. On a dans les procès-verbaux de vente les ventes des briques, des bassins et des cascades. Et à l'intérieur, on récupère également tout, c'est-à-dire les éléments métalliques, les miroirs, les tableaux, sont envoyés au Louvre, par exemple. Donc, le filateur Saniel, effectivement, a fait démolir les bâtiments, comme Annie Ketzmann l'a dit tout à l'heure, pour vendre les matériaux et pour payer les créanciers. Et le domaine a été vendu vide de tout bâtiment en 1811 à Napoléon. Et qui dit vente de matériaux dit destruction quasiment systématique des bâtiments. Donc, non seulement destruction systématique, mais vente, donc évacuation des débris. Il ne reste donc que les débris estimés inutilisables ou invendables, comme il a été dit par les intervenants précédents. Et donc, voilà ce que l'on peut retrouver maintenant dans les fouilles. Alors, la structure du bâtiment, comme l'a dit l'intervenant précédent, c'est effectivement un produit de chaînage, une élévation en chaînage de pierre dans les angles apparentes, et très probablement, donc, comme vous disiez, entre les fenêtres pour renforcer. Je vous ai mis à côté une photo de la caserne d'Artois qui est en cours de restauration. C'est la façade sur la rue de Noailles. Ces anciennes écuries du comte d'Artois ont été construites par Charles Grin en 1773, et on voit ce principe de chaînage en pierre de taille. Ici, la partie basse est aussi en pierre, mais elle a été recouverte de ciment. Et là, vous voyez les moellons enduits et l'ouverture. Alors là, c'est l'ouverture, vous avez une poutre, alors qu'à Marly, c'était de la pierre de taille. Les ouvertures à Marly sont les entourages en pierre. On voit là sur cette élévation aussi bien les pieds droits que les parties supérieures et inférieures. Et l'ensemble a été voilà un autre exemple avec cette fois-ci apparemment un morceau de pierre de taille au-dessus d'une porte, toujours dans cette, ces anciennes écuries du comte d'Artois. Et ces ensembles étaient donc peints. Vous avez là une élévation de la façade du côté de Saint-Germain 1745, avec entre autres les quelques exemples en dessous d'éléments qui ont été retrouvés, d'éléments peints dont l'intervenante précédente a parlé. On retrouve ces structures voilà, dans cette fameuse coupe du bâtiment, avec ici coupe donc le long des vestibules et du salon, coupe qui est très précise architecturalement, où on voit les fondations en pierre beaucoup plus épaisse. Ici, on devine le carrelage avec les carreaux blancs et noirs, et là, le parquet sur ces lambourdes. De même, ici, on voit là, par exemple, également les grandes pierres sculptées pour la corniche. Et là, on peut remarquer que la balustrade, en fait, était aveugle. Vous voyez que le toit remonte jusqu'au-dessus de la balustrade. C'est pas du tout comme à Versailles, on voit au travers de la balustrade. Alors, il est difficile de dire si c'est du moellon, de la brique. Le débat reste donc complètement ouvert et le mystère subsiste. Alors les moellons, je pense, étaient a priori majoritaires dans la construction et leur démolition ne laisse rien d'identifiable. Et en plus, ce sont des matériaux qui se vendent très bien, ça peut être récupéré et réutilisé pour une autre reconstruction. Les éléments de façade en pierre sont assez peu caractérisés, à l'exception des sculptures qui se trouvaient au-dessus de la balustrade, entre les pots à feu et les groupes sculptés au-dessus des frontons, les enfants, les amours ailés de part et d'autre d'un autre pot à feu. Et à l'intérieur, les vestibules et le salon sont les pièces qui étaient les plus décorées. Donc, vous voyez là les vestibules avec des frontons au-dessus des portes, surmontés par un groupe sculpté avec deux enfants de part et d'autre d'un vase. Là, il y a le monogramme du roi. On retrouve ce type de décor dans les quatre vestibules. Dans le salon, c'est la pièce la plus décorée. C'était la pièce centrale, aussi bien géographiquement, mais également pour la vie de cour. On se retrouvait dans le grand salon pendant les séjours de la cour. Donc, c'est la pièce la plus décorée de l'ensemble. Vous avez des pilastres ioniques, cannelés, une corniche très importante, très sculptée, soutenue par des aigles, des consoles. Les aigles sont sous les balcons et vous avez des thermes ici au niveau de l'attique et des trophées militaires de part et d'autre des fenêtres ainsi qu'un décor sculpté de part et d'autre des œils de bœuf. Donc voilà l'ensemble sculpté que l'on peut à la rigueur retrouver. De chaque côté, tout autour de la galerie annulaire, autour du grand salon, vous aviez ici un décor de trompe-l'œil également sur ce mur. Mais tout le reste du bâtiment était beaucoup plus simple. Les matériaux utilisés dans ces constructions sont le bois, le plâtre, le stuc ou la pierre. Il n'y avait pas de dorure. Il y a eu un projet de dorure pour le grand salon et finalement Louis XIV l'a abandonné, sans doute moins pour des raisons de coût que pour des raisons toujours de convenance. Nous sommes dans une résidence de plaisance, donc on ne dépense pas. Et vous avez ce même principe au Grand Trianon ou au Petit Trianon où les boiseries sont peintes en blanc ou rechampies de deux couleurs. Seuls les cadres de glace et les cadres des tableaux sont dorés. Voilà le plan du rez-de-chaussée, donc avec ces appartements auxquels était attribuée une couleur de la tenture murale. Et vous avez ici l'emplacement des lits des chambres de ces quatre appartements. Alors, leur décor était extrêmement simple, toujours cette volonté de simplicité. Voici ici une élévation de la chambre du roi et vous voyez que le décor se limitait à un balambri en menuiserie, donc un balambri simplement mouluré et effectivement les corniches en plâtre au-dessus. Le reste de la pièce était uniquement tendu d'étoffe, donc très certainement sur un support de plâtre sur lattis, comme vous l'avez dit. En 1699-1700, Louis XIV a fait poser des cheminées à la Royale, hein, c'est-à-dire c'est la première fois à Marly qu'étaient mis en place ces chambranles de marbre assez bas, surmontées d'un haut trumeau de glace, généralement en trois parties. Vous voyez ici ces divisions. Vous montre les trois glaces superposées. On ne savait pas couler des glaces plus grandes, donc il fallait les superposer comme ça en trois morceaux. Et tous ces décors donc, sont ici en marbre pour les cheminées. Là, c'est très certainement la cheminée de la chambre, hein, la cheminée du cabinet du conseil à l'angle, et là, très probablement, la cheminée l'antichambre de l'appartement du roi. Donc toute cette partie de trumeau était en menuiserie sculptée, et on retrouve ici la corniche en plâtre. Tous ces ensembles ont disparu au cours du XVIIIe siècle, par l'entresolement de ces pièces. Ces pièces faisaient 8 mètres de hauteur sous plafond, et Louis XV a petit à petit commencé à entresoler ces ensembles. Donc, du coup, les matériaux ont été mis à l'abri, on a récupéré les miroirs. Mais cependant, le problème est qu'on n'a aucun dessin des boiseries qui ont été mises en place pendant le règne de Louis XV. Donc on n'a absolument aucun élément visuel pour pouvoir faire des comparaisons. De même que pour les chambranles de marbre. Alors autant on peut connaître la nature du marbre grâce au comte, avec la délivrance des cheminées, mais on n'a pas le dessin de ces cheminées. De même à l'étage d'attique, on retrouve le même principe. Ici, vous avez les dessins des boiseries de la salle à manger et de la salle du buffet du petit appartement de Louis XV, qui a ensuite servi comme appartement à Madame de Pompadour. Et vous voyez ce même principe de balambris en menuiserie, de corniche en plâtre et les trumeaux de glace avec le dessus de porte, tout cela en menuiserie, quelque chose quand même d'assez simple, seules des petites parties dans les parcs closes sont sculptées. Les boiseries, comme les cadres, je vous l'ai dit, ont été vendues, les miroirs ont été ramenés sur Paris, donc tout ça avait disparu pendant la Révolution, et il était très peu probable qu'il en restait sur place au moment de la démolition. Et de toute façon, c'est du bois, donc le bois, une fois enterré, si on avait mis des morceaux et était tombé, n'aurait pas subsisté. Donc il était absolument hors de question de retrouver un quelconque élément de boiserie au cours de ces fouilles. Les éléments sculptés qui traversent le temps sont exécutés sur des supports pérennes comme le marbre, la pierre ou le stuc. Alors, commencer par le marbre. À Marly, donc, seules les cheminées portaient des motifs sculptés. Une partie de celles de Louis XIV, donc, je vous ai dit, sont connues par la gravure. Et en l'absence de dessin, celles placées tout au long du XVIIIe siècle, on ne connaît donc que la nature du marbre. Alors, il est seulement possible de suggérer quelques provenances en fonction de la couleur de marbre en comparaison avec les textes d'archives. Par exemple, là, sur ce tableau, j'ai entouré les carreaux de marbre blanc, les carreaux de marbre blanc qui provenaient probablement du sol des vestibules est et ouest, parce que les vestibules nord et sud avaient été parquetés en 1699. Ou peut-être des cheminées des premiers et deuxièmes cabinets entresolés de l'appartement de la reine qui étaient en marbre blanc. Autre élément, le verre campan. Alors, les candidats sont les cheminées des vestibules nord et sud, de l'antichambre de la reine et de l'antichambre de la comtesse de Provence. Mais impossible d'aller plus loin dans l'identification, faute de dessin, parce que les morceaux sont trop petits. Le marbre rouge Languedoc que vous avez là, là, il n'y a qu'un seul candidat, c'est la bande de marbre rouge qui tournait tout autour du salon, tout autour du parquet du salon, le long du mur. Enfin, dernier exemple, le brèche violette. Là, en revanche, de nombreuses possibilités avec la cheminée de la chambre du roi, la cheminée du cabinet de retraite en entresol de l'appartement du roi, la cheminée de la chambre de la reine ou la cheminée de la chambre de la comtesse d'Artois. Mais ces exemples vous montrent que nous avons tous été confrontés à ces problèmes, c'est-à-dire qu'on a des morceaux, mais on a du mal à faire le lien avec le décor précédent, parce que les morceaux sont trop petits, sont difficilement identifiables, et donc on se trouve très souvent bloqué en ayant plusieurs possibilités, plusieurs candidats, mais rien de... On ne peut pas être affirmatif, ou très rarement affirmatif. Alors les fragments de plâtre soulèvent un autre type de difficulté. Les motifs sont bien identifiables. Vous avez des ovres, des acanthes, des fleurs, par exemple, comme ici. Mais cette matière était généralement employée pour des corniches, pour des moulures décoratives. Toutefois, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun dessin qui montre les décors intérieurs au XVIIIe siècle. Donc on peut simplement dire qu'il s'agissait soit de corniches, soit de moulures, mais impossible d'aller plus loin. Quant aux corniches, bien souvent, comme l'a montré l'intervention précédente, on a les profils, mais on a très rarement le dessin de face avec les motifs décoratifs. Donc on se retrouve là bloqué pour identifier la provenance exacte de ces éléments. Ce sont des éléments de décoration intérieure, c'est certain. On ne trouvait pas ce type de décor aussi précis, aussi riche à l'extérieur. Mais voilà, on ne peut pas en dire plus, on ne peut rien affirmer sur ces fragments. Ces rapprochements restent évidemment toujours frustrants, mais on a un petit peu plus de satisfaction avec les fragments de pierre et de stuc. Avec ici à gauche un fragment de pied et à droite un œil. En pierre avec un badigeon de stuc, matériau a priori plutôt employé en extérieur. Alors on a deux candidats potentiels, voire trois. Ces morceaux peuvent provenir par exemple de ces amours situés au-dessus des frontons de chaque façade du château. Après, il faudrait voir en fonction de l'échelle et de la taille des affiner l'étude. Voilà, peut-être un des deux pieds de ces amours. L'autre candidat, ce sont les autres amours qui se trouvaient au-dessus des frontons de chacun des vestibules que vous avez là et là. Ces décors sont restés en place jusqu'à la démolition du château. Donc vraiment, ce sont des candidats tout à fait intéressants. Et n'oubliez pas également que les vestibules étaient considérés comme une architecture extérieure. On était encore à l'extérieur, même dans un vestibule, donc on employait les mêmes matériaux que pour une construction extérieure, c'est-à-dire soit de la pierre de taille, soit du stuc pour le décor de ces pièces. Enfin, l'œil pourrait peut-être venir d'un des termes du grand salon de l'attique du grand salon de Marly ou peut-être encore d'un des deux amours ici de part et d'autre des œils de bœuf du grand salon. C'est donc extrêmement complexe. On a la même chose, on se retrouve dans le même cas de figure, plusieurs candidats, et impossible d'affirmer. Peut-être en affinant avec l'échelle, on arriverait à réduire le nombre de candidats, mais pour l'instant, on ne peut en être qu'à ce stade-là. Il y a un seul élément qui est tout à fait identifiable, a priori sans aucune hésitation, c'est ce fragment de volute d'un chapiteau ionique, d'un pilastre. Il provient obligatoirement d'un pilastre car il n'est pas en angle, donc il est de plan parallèle au plan du mur. Il est réalisé en stuc, donc c'est très probablement un décor intérieur, et la seule pièce du château qui comportait des pilastres, on y revient, c'est le grand salon central. Donc là, c'est, je l'ai gardé pour la fin, le meilleur, le seul candidat dont l'origine Et certaines, ce fragment provient du décor du grand salon central, donc un de ces pilastres que vous avez ici sur, sur ce dessin. Alors, c'est toujours très, très intéressant de voir finalement la, la richesse. On n'imaginait pas que les volutes étaient également sculptées sur, sur leur, leur, leur côté de feuilles d'eau, comme, comme ceci. Mais en général, ces quelques exemples vous montrent la, la complexité de la reconstitution d'un décor, d'un bâtiment ancien et surtout d'un décor qui a disparu. D'un côté, les fragments découverts lors des fouilles sont, sont très nombreux, mais trop partiels, et de l'autre, les dessins et les autres représentations figurées de l'intérieur du pavillon royal sont très rares, particulièrement pour le 18e. Et nous nous retrouvons ainsi devant les pièces d'un Pulse sans aucun modèle à suivre. Mais imaginez que Versailles ait été détruit, je pense qu'on se trouverait devant le même cas de figure. On n'a pas d'élévation de toutes les pièces du château, où c'est la même chose pour Choisy ou Bellevue, par exemple, des châteaux qui ont disparu. On a quelques élévations pour certaines pièces, mais on n'a pas tout le décor intérieur du bâtiment. Cependant, l'intérêt, le grand intérêt de toutes ces, ces fouilles et ces trouvailles montre et confirme les techniques et les matériaux employés et tous les détails techniques donnés par les comptes, les marbres, les plâtres, la pierre, le stuc que l'on retrouve mentionnés donc dans les comptes, les correspondances, les contrats d'entretien, etc., etc. Et même si les provenances exactes ne sont pas identifiées, ces fragments témoignent de la qualité des décors intérieurs du pavillon royal. Même si on est dans une résidence de plaisance, les matériaux ne sont pas nobles, ou moins nobles, dirons-nous, mais on est quand même dans une grande qualité. Ce sont l'équipe des bâtiments du roi qui interviennent à Marly comme ils sont intervenus à Versailles, et donc il faut imaginer ces fragments nous témoignent une très grande qualité du décor intérieur, aussi bien pour ceux réalisés au XVIIe que ceux exécutés au XVIIIe siècle. Donc Marly avait reçu ces décors plus simples que Versailles, mais de qualité, et on retrouve évidemment ce détail aussi riche et aussi somptueux à Trianon. Trianon qui a été construit à partir de 1688, et ce sont les mêmes artisans et les mêmes équipes qui ont travaillé à Trianon. Donc pour avoir une idée de la qualité du décor intérieur de Marly, allez au Grand Trianon, regardez les décors et ces ensembles peints en blanc ou les corniches, etc., vous donneront une idée de la qualité du décor intérieur du château de Marly. Je vous remercie pour votre attention.